Jean Bosco, Ndoui Man. Bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous. Voici la dernière édition de ce journal parlé en français pour ce 21 mars 2018. Et tout de suite, les grands titres. Notre consoeur Judith Basutama, correspondante de la BBC à Bujumbura, a été entendue par la justice ce matin pour une information diffusée par sa station le 12 mars dernier. Sans plus de précision sur son contenu, vous entendrez son avocat. Et certaines organisations de la société civile émettent des doutes sur le traitement informatique des données liées à la préparation des élections. Ils l'ont fait savoir dans une rencontre avec le président de la Commission électorale nationale indépendante. Reportage dans ce journal. En cette journée internationale des forêts, les spécialistes font remarquer qu'elles sont menacées par les populations exploitant les aires protégées. Vous entendrez à ce sujet Dr Frédéric Evangilinama, professeur d'université. Et certaines universités se plaignent de n'avoir pas eu l'autorisation d'ouvrir le cycle de master. Selon une ordonnance ministérielle dernièrement rendue publique, le recteur de l'Université Lumière de Bujumbura espère qu'un dialogue sera entamé incessamment pour se mettre d'accord sur la question. Voilà pour les quelques titres. Isanganiro, la radio de l'avenir. L'usage de l'informatique dans les préparatifs des élections au sein de la Commission électorale nationale indépendante inquiète certains responsables des organisations de la société civile qu'il peut y avoir des tripotages. Le délai de 3 jours accordé aux électeurs de vérifier s'ils sont sur les fiches qui seront affichées au bureau d'inscription des électeurs est insuffisant pour les uns. Le président de la Commission électorale nationale indépendante tranquillise, cela craignant des éventuelles tricheries au sein de la CENI. Pierre Claverne-Daïchalier ajoute que les 3 jours accordés à la vérification des listes des électeurs suffisent. Les détails avec Évariste Nzikobanyanga. Docteur Pierre Claver Kadzihise, président et représentant légal de la COPPA Burundi, fait partie de ceux qui ont des inquiétudes sur l'usage de l'informatique dans les préparatifs des élections au sein de la CENI. Ma deuxième question concerne l'usage de l'informatique. Vous nous avez tranquillisé que les opérations vont bon train, mais selon des informations que nous détenons et qu'il y a des gens qui peuvent tripoter. Est-ce que vous vous êtes préparé pour faire face à ces gens? De tels cas se sont également produits lors de l'enrôlement électoral. Le président de la CENI trouve que ce langage a été utilisé même au cours des élections des années antérieures. Pierre Clavé Ndaïchalier explique que ce genre de langage va en diminuant au fur des années. Je te pose une question, même si les élections ne sont pas les mêmes. Avez-vous entendu la rumeur cette année, comme ça s'est passé, au cours de l'enrôlement et la saisie lors des élections antérieures? Au fur des jours, on trouve des solutions aux problèmes qui ne sont pas rendus publics. Même ceux-là qui s'assoient ensemble au niveau de cette idée ne savent pas qui les suit de près. Au fur du temps, l'on s'améliore. Les erreurs des années antérieures nous servent de leçon. Je peux vous dire, Kazihise, que tout ce qui se dit autour des élections n'est pas vrai. Il y a trop de mensonges. Le président de la COPPA Burundi, qui milite pour le rétablissement de la paix, trouve que les jours qui sont accordés à la vérification des listes des électeurs, une fois affichés, sont insuffisants, qu'il faudrait en ajouter d'autres. Vérification des listes des électeurs, 3 jours durant, trouvez-vous qu'il suffit ou bien il faut en ajouter d'autres pour que ceux qui vont vérifier leur nom puissent le faire dans la tranquillité? Pierre Claver Ndaïchalier ne passe pas par 4 chemins pour répondre à cette préoccupation du docteur Pierre Claver Kadzihise pour dire que ce délai de 3 jours suffit pour la vérification de ces listes. Docteur Kadzihise, vous avez une mission Mike. Je vous dis que le financier de ces élections lui avait suggéré des jours uniquement. Pour aller consulter l'affichage, l'on peut y aller soit 9h, 10h ou 11h. Si vendredi tu ne trouves pas le temps, vas-y samedi matin ou dimanche après la messe. C'est la volonté qui compte. Nous avons déjà constaté que si tu accordes aux gens 10 jours, ils te demandent 15. Et si tu leur accordes 15 jours, ils te demandent 20 jours. Ces interventions ont été recueillies au cours d'une rencontre de ce mardi entre les membres de la CENI et ses partenaires électoraux. Évariste Nzikowanyanga, comparution ce mercredi devant le procureur près le tribunal de grande instance de Mukasa de Judith Basutama, journaliste de la BBC section Afrique. Notre consoeur a été interrogé durant près de 3 heures sur une information qui est passée sur les ondes de cette station radio le 12 mars courant. Son avocat dit que sa cliente pourra être de nouveau convoquée et qu'ils sont prêts à comparaître. Suivez Maître Eric Nibandetse. Il a comparu devant le procureur au tribunal de grande instance de Mukasa. C'était sur le dossier RMP 2025-BAR. Le motif de la convocation, c'était l'instruction du dossier. Le dossier était en rapport avec le reportage qui a passé le 12 mars sur la radio BBC Afrique à 14h. Le dossier parlait toujours du reportage, donc le dossier est toujours en instruction. Et d'après les questions qu'on a posées, on a vu que le dossier suit son cours normal. Les accusations pour le moment ne sont pas toujours déterminées parce que le dossier est en cours d'instruction pour le moment. Est-ce qu'elle va encore comparer? Oui. Quand? On ne sait pas encore la date. On attend toujours la convocation des procureurs. Maître Eric Nibandetse au micro d'Aubin Niyonguru. Une servitude pénale principale à perpétuité, la perte de l'autorité parentale sur ses enfants ainsi que l'interdiction des droits civils et ceux de la famille, telle est la peine prononcée par le tribunal de grande instance Ngozi à l'endroit d'Evariste Minani. Cet homme de la commune de Mwamba en province de Ngozi, c'était ce mercredi dans une audience publique dans un dossier de flagrance. Il est accusé par le ministère public d'inceste, viol et violence domestique sur ses propres filles. Apollinaire Mouzagara. Évariste Minani a rejeté 2 des 3 infractions lui acquises. Elle a reconnu celle de violence domestique à ses enfants, mais a nié le viol sur ses 3 et l'inceste même sur sa fille aînée, Evelyne Avonima Anna, âgée de 21 ans. Devant la barre, cette dernière a accepté directement avoir couché 2 fois avec son père, chose que Évariste Minani a fini par accepter. Les témoins à charge et même ceux à décharge ont plutôt indiqué que Evelyne Avonima Anna et son père vivaient comme une femme et un mari. Les mêmes témoins ont chargé les 2 sur toutes ces infractions. Le procureur général près de la cour d'appel de Ngozi, qui a représenté le ministère public dans ce dossier, a alors requis à cet homme une servitude pénale à perpétuité, la perte de l'autorité parentale, la publication de la condamnation, l'interdiction des droits civiques, civils et familiaux, ainsi que la présentation du condamné au public de la colline jusqu'au niveau provincial. Et à sa fille Adeline Avonima Anna, une servitude pénale de 2 ans et demi, une légère condamnation selon le procureur, car cette fille a éclairé le tribunal et a reconnu les faits devant les juges. Après le délibéré d'une 30aine de minutes, le verdict du tribunal de l'instance d'Ongozi est tombé. Évariste Minani va écoper une servitude pénale principale à perpétuité ainsi qu'à 2 peines additionnelles de perte de l'autorité parentale et l'interdiction des droits physiques, civils et familiaux. Cette fille a été condamnée à son tour à 1 année et demie de prison ferme. Vous saurez que parmi les 3 jeunes filles de moins de 12 ans qu'Évariste Minani a violées, une, celle de 5 ans, a fini par rendre son âme. Les enfants sont pour le moment hébergés par des familles de bonne foi dans différentes collines de la commune Moum, Dongozi, Apone Mouzagara, Radio Sanganil. Merci Apollinaire. L'organisation du référendum constitutionnel est un droit qui relève de la souveraineté du pays. C'est le point de vue de l'ambassadeur de Russie au Burundi, Gorgi Todua, qui indique que ceux qui pensent que les conditions ne sont pas réunies pour cette activité importante sont ceux qui ne comprennent pas le fondement du référendum. Écoutez. J'ai lu quelques déclarations des experts qui disent « Dans ce stade actuel, l'usage du référendum est une chose dangereuse car ça ne correspond pas, car les électeurs simples ne peuvent pas comprendre l'essence. » Mais ce n'est pas démocratique. L'autre question, on peut parler sur les procédures toujours, mais le référendum, c'est un référendum. Vous savez, par exemple, il y a beaucoup de pays qui disent que le référendum en Crimée dans la Russie n'est pas légitime. Pourquoi ? 90% de la population a participé. On dit les conditions, etc., etc. Mais de temps en temps, je dois appeler la maxime même du juridiction latin, vox populi, c'est l'essentiel, la voix du peuple. Nous croyons que quand il s'agit d'organiser le référendum, c'est une affaire intérieure. Nous croyons que chaque pays a le droit souverain à organiser dans sa marque législative, dans sa marque constitutionnelle, tel ou tel référendum sur les questions importantes de la vie. Et c'est une pratique universelle. Peut-être quelques pays croient qu'il faut prendre les décisions seulement au niveau du gouvernement. Les autres cherchent à obtenir l'appui de la population. On va voir les résultats. C'était l'ambassadeur de Russie au Burundi qui déclare que son pays contribue dans différents secteurs de la vie du Burundi, dont le développement des entreprises, le secteur de l'éducation et de la sécurité. On ouvre la rubrique éducation. Précisément, le redéploiement est une politique du pays qui a bien réussi. La ministre de l'Éducation nationale l'a dit ce mercredi au cours d'une séance de questions orales à l'Assemblée nationale. Elle a aussi indiqué qu'elle n'a pas interdit que des écoles engagent des vacataires pour pallier au problème de manque d'enseignants, comme le pensent certains. Il suffit que les responsables s'organisent bien avec les parents d'élèves pour la bonne gestion des frais collectés, a-t-elle déclaré. Francine Ndiokouga, au reportage. Devant la chambre basse du Parlement burundais ce mercredi, la ministre Janvière Ndirahisha, ayant l'éducation dans ses attributions, expliquait la politique de redéploiement des enseignants qui, selon elle, a bien réussi. Elle dit que non seulement le gouvernement a gagné de l'argent, mais aussi les élèves qui n'avaient pas d'enseignants sont aujourd'hui satisfaits. Au cours de cette séance, les députés ont demandé à la ministre pourquoi la suppression du vacatariat alors que les enseignants manquent toujours dans certains établissements scolaires. Janvière Ndirahisha dément l'information. Si les parents parviennent à s'entendre, rien n'empêche qu'ils s'opèrent des enseignants vacataires. Je n'ai pas supprimé le vacatariat. J'ai supprimé ce qui est qualifié de rémunération aux éducateurs, soit disant qu'ils renforcent l'enseignement et le renforcement était obligatoire pour tous les élèves, alors que certains sont intelligents. En ce qui concerne le vacatariat, si les parents sont d'accord pour le paiement, nous ne sommes pas contre. Seulement, c'est qu'en cas de collecte, la gestion n'est pas transparente. L'autre inquiétude soulevée est celle en rapport avec les 50 000 francs burundais qui sont exigés aux élèves autodidactes qui voudraient reprendre l'examen d'État. Avoir les dépenses du gouvernement, cette somme est minime, rétorque la ministre Ndirahisha. Je n'ai pas beaucoup exigé. Ailleurs, on paye énormément. Et si l'on établirait une liste de tout le nécessaire, voilà l'État à payer pour toi. Malheureusement, tu as échoué. Ailleurs, les élèves doivent payer pour l'examen d'État. Et s'ils retournent, on paye à 50 000 francs. Veuillez leur en payer. La ministre burundaise de l'Éducation nationale se dit également satisfaite de la mise en application de la mesure qu'il a instaurée, interdisant notamment aux filles des écoles publiques et privées le maquillage et le port des boucles d'oreilles. Et les étudiants et certains partenaires de l'Université Lumière de Bujumbura n'ont pas bien accueilli l'ordonnance ministérielle, précisant les institutions autorisées à ouvrir le cycle de master et les filières concernées. Selon le recteur de cette université, le dialogue devrait être engagé afin que toutes les institutions d'enseignement supérieur qui le peuvent puissent organiser de tels enseignements. Suivez Dr Nima Galitze Deo Gracias. Nous sommes face à une ordonnance qui a limité l'accès au second cycle de l'enseignement supérieur au Burundi. Cette limite, effectivement, elle n'est pas bien accueillie par nos étudiants, par différents partenaires nationaux, parce que on va avoir un très petit nombre de gens qui vont accéder au second cycle de l'enseignement supérieur au Burundi, alors que dans l'esprit du décret loi du 30 décembre 2011, portant l'organisation de l'enseignement supérieur au Burundi, il s'agissait de basculer du système de licence, du système BMD qui comporte trois lettres, le bachelor, le master et le docteur. Et conséquemment, toutes les universités, toutes les institutions d'enseignement supérieur au Burundi s'étaient préparées en conséquence pour passer de B à M et de M à D. Alors que maintenant, on voit que l'ordonnance ministérielle vient de limiter les institutions qui vont avoir cette chance d'organiser le master. Donc, c'est un débat qui va s'ouvrir parce que nous organisions déjà depuis longtemps 5 masters, c'est-à-dire un master en droit des affaires, master complémentaire en genre, institution et société, master en leadership, et management des organisations, et MBA, option finance, marketing et audit, contrôle de gestion, et master en gestion du développement. Donc ces masters avaient été autorisés depuis le 3 mars 2016, par l'ordonnance ministérielle numéro 610/399 du 3 mars 2016. Donc, nous allons continuer à dialoguer parce que dans l'esprit de l'ordonnance du 13 mars 2018, il est dit que on a autorisé des filières qui sont d'une grande nécessité pour la nation burundaise. Et nous continuons à estimer que les masters dont je viens de citer sont aussi très nécessaires pour le Burundi. Le recteur de l'Université Lumière de Bujumbura, Dr Nimagali Cedeo Gracias. Pour rester à l'enseignement supérieur, sachez que certains étudiants finalistes au bac 3 du département des langues à la faculté des lettres et sciences humaines de l'Université du Burundi viennent de passer 3 mois sans trouver ou faire leur stage. Il s'agit de ceux des filières de littérature et linguistique que les structures d'accueil ne reçoivent pas, expliquant que ces filières ne sont pas reconnues. Mais le directeur de l'assurance qualité réaffirme que ces filières sont reconnues et recommande aux étudiants de continuer à chercher. Et le dossier d'appel d'offres deuxième lot concernant les travaux de stabilisation des berges de la rivière Nahangwa, côté rue Mukarakara, dans le quartier Kigobe Sud, est en cours de préparation. L'affirmation est du porte-parole du ministère burundais de l'Environnement. Omer Niyonguru fait savoir que les travaux ne sont pas arrêtés et les berges ne sont plus agressées. Il l'a dit après que certains habitants de cette localité aient fait savoir que les travaux sont au point mort depuis 3 semaines. Une information qui avait été confirmée par l'entreprise Citecor qui exécute ces travaux. Vous suivrez Omer Niyonguru à la fin de ce journal. Il est notre invité. Les forêts au Burundi sont menacées par les populations vivant dans leurs environs car ces dernières exploitent les aires protégées en y cultivant. Selon Frédéric Wangirinama, professeur d'université, les forêts doivent être protégées car elles sont le poumon de l'écosystème. Il l'a dit en son 21 mars, journée internationale des forêts. Suivez Dr Frédéric Wangirinama. Au Burundi, nous avons deux types de forêts. Les forêts naturelles qui représentent 9% du territoire. Nous avons également les boisements, ce qui correspond un peu à 5% de notre territoire. Même si l'Office Burundi de protection de l'environnement essaie de fournir des efforts, il y a encore des infractions, le dépassement des limites. Le gros des forêts que nous avons au Burundi se trouve dans les aires protégées. Il y a alors les populations limitrophes qui vont cultiver dans les aires protégées. Il y a également l'effet de brousse que l'on observe de temps en temps de la part des éleveurs qui ont besoin du pâturage. Quelles sont les conséquences qui peuvent s'observer si les forêts ne sont pas protégées? Les forêts sont qualifiées de poumons. Ce sont elles qui, à travers la photosynthèse, utilisent le gaz carbonique et produisent de l'oxygène que nous respirons. Cela sous-entend qu'une fois que les forêts sont détruites, nous allons manquer l'air propre. Également, les forêts interviennent dans le cycle de l'eau. Avec la respiration des forêts, il y a moyen que les vapeurs d'eau sont à la source des pluies. Si ces forêts ne sont pas bien protégées, vous comprenez que nous allons tendre vers une désertification. Ce qui devrait être fait, le ministère en charge de la protection de l'environnement, également les ONG, que ce soit locales ou nationales ou internationales, il devrait y avoir une concertation de façon que tous les intervenants fassent un même plan d'action et en partage des différents rôles, l'organe coordinateur puisse réellement suivre chacun à ce qu'il est en train de faire. Et actuellement, il devrait privilégier la gestion participative qui est centrée sur les populations limitrophes de ces forêts pour que tous les projets qui sont préparés puissent être réalisés et la population limitrophe est au centre pour que ces populations interviennent activement. Le professeur d'université Dr Frédéric Wangirinama au micro d'Alida Ndaikeza. Place maintenant à notre invité. À la source, interview. Je l'avais annoncé tantôt, notre invité c'est Omer Niyonguru, il est porte-parole du ministère burundais de l'Environnement. Il s'entretient avec Mireille Kanyang sur les travaux de stabilisation des berges de la rivière Nahangwa du côté de la rue Mukarakara. Omer Niyonguru, vous êtes porte-parole du ministère burundais de l'Environnement. Bonjour. Je vous salue. Il y a des travaux de stabilisation des berges de la rivière Nahangwa qui semblent être au point mort côté Kigobe Sud Extension. Est-ce que vous en êtes au courant? Pourquoi est-ce que les travaux se sont arrêtés? Et moi, je ne confirme pas cette affirmation d'être sur le point mort. Je dois vous dire qu'une étude a été menée. On a commencé les travaux au mois de septembre en 2017. Mais on a, par après, rencontré un petit problème technique. On rencontrait souvent aux pannes des machines, aux pannes des camions ben. C'est ainsi qu'un accord entre le ministère et l'entreprise Citecor a eu lieu. Mais c'était sur un premier lot. Je dois vous dire que l'entreprise a fait son travail et le premier lot a pris fin. Pour le moment, on est à la phase de la préparation des dossiers d'appel d'offres qui sont à un niveau très satisfaisant. Nous avons cette conviction que effectivement les maisons sont pour le moment sauvées. Avec les premiers travaux, y a-t-il eu passation de marché? Pour le cas d'espèce, je dois vous dire que ça a été un marché qui a passé sous une entente directe. Donc, il faut comprendre que c'était des travaux de diligence. Avec le début des travaux sur les sites Kigobe Sud Extension et Mugoboka, combien est-ce que ça devrait coûter ces travaux de stabilisation de la rivière Nahangwa sur la partie concernée? Quand on commençait les travaux au sommet au septième mois, il se pourrait qu'il y ait quand même quelques modification de volume et de rambrée suite toujours aux éboulements. Mais c'était vraiment un travail qui demandait en termes de milliards. On devrait le faire ainsi, on devrait quand même procéder par segmentation à l'eau. Une certaine opinion estime que les parcelles ont été octroyées dans une zone tampon. Est-ce qu'on ne peut pas parler d'une certaine responsabilité du ministère à travers la direction de l'urbanisme? Je crois non. Monsieur le porte-parole du ministère de l'Environnement, merci. C'est moi qui vous remercie. C'est sur cet entretien que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à tous, invités aussi pour la mise en onde au micro Jean Bosco Ndouimana. Passez une très bonne soirée.